Voici l'humeur de Guillermo Gouy. Allez Guillermo. Bonjour les amis. Salut. Alors, certains parmi vous l'ignorent, et par certains, j'entends cette tablée, le public, les micros, les chaises et le tapis plein. Mais figurez-vous qu'avant de devenir le souffre-douleur officiel de Leïla Kaddour Boudadi et la septième roue du carrosse dans la bande originale, eh bien, j'étais aussi journaliste. Et oui, ça se voit pas parce que ça se voit pas parce que je m'exprime mal, mais c'est vrai. Et j'ai entre autres été spécialisé dans les séries télé. Astide, je peux vous dire que Le Bureau des Légendes est sincèrement ma série française préférée de tous les temps, loin devant Maggie et Nestor Burma. Et Dieu sait qu'il avait la classe, Burma, à sa façon, mais il avait la classe. Mais j'adore votre série et j'ai même présenté Le Bureau des Légendes dans un festival bruxellois avec votre producteur Alex Berger. Alex, ben voilà, ça a dû être chargé à la buvette, hein, parce que toi et Alex Berger à la même buvette, ils devaient vider les stocks. Voilà, il n'y avait pas de vanne, c'est juste que j'ai envie de m'assurer la sympathie de nos invités pour la suite de ce billet. Suite de billet qui, le hasard faisant merveilleusement bien les choses, tissera un lien fortuit bien qu'habile entre le bureau des légendes et le toujours si exotique Donald Trump. Évidemment, qui vient manifestement de griller l'identité d'agent infiltré auprès de Daesh. On peut lui reprocher ce qu'on veut à Trump, mais tout le monde disait il va faire n'importe quoi. Et je dis enfin un homme politique qui tient ses promesses. Hein, t'as pas le temps de finir une vanne sur un scandale qu'il est déjà passé au scandale suivant. Prends ça Patrick Balkany, hein, t'as encore tout à prendre mon petit Balkany. Il est trop fort Trump. Le Washington Post, il sort qu'il a dévoilé des infos top secrets à des dignitaires russes. Et là t'as son conseiller à la sécurité nationale qui dit non c'est faux, enfin vous imaginez bien, ne tombons pas dans la stigmatisation gratuite. Donald a beaucoup de défauts, mais là quand même de là, et le lendemain t'as Trump qui fait bah si. Je suis président quoi. Je dis ce que je veux cuire mes pattes pendant 20 minutes, je cuis mes pattes 20 minutes quoi. Je leur ai donné l'identité d'agent infiltré, c'est pas non plus que ça va, quelle bande de rabat-joie quoi. C'est pas comme si j'avais filé la recette du coca ou tu vois, un truc vraiment secret quoi. Plus grave. Franchement, mais Trump en tant que président, il peut classifier et déclassifier ce qu'il veut. Je suis sûr qu'il a accès à tout en fait, et il est hyper curieux. Je suis sûr que dans un mois, il va tweeter genre je suis allé regarder pour Kennedy. Apparemment, c'était vraiment Oswald quoi. Moi aussi, je suis déçu comme tout le monde. Je vais voir pour le 11 septembre, je vous dis quoi. Allez, salut les fans 12. C'est vrai. Par-delà, on lui reproche d'avoir trop parlé avec des dignitaires russes. Des dignitaires russes. Sans blague, moi, tu me laisses 2 heures dans une pièce avec des Russes. J'avoue même des trucs que je connais pas, quoi. Après 17 vodka, moi, j'ai le sens du secret d'un enfant de 4 ans. Franchement, moi, je leur dirais tout aux Russes, tous les petits secrets de la bande originale. Tu vois que Nagui et Morin, ils peuvent pas se saquer. Albert Algo, il écrit des sketchs pour Laurent Gérard. Que Leïla ne lit pas tous les livres dont elle parle. Que moi, dans la vraie vie. Dégueulasse. Je suis pas forcément toujours d'extrême gauche. Je mettrais vraiment la réputation de France Inter à sac, que ce serait un carnage. Il faut imaginer Trump avec les deux types en question, hyper fier des infos qu'il a parce que c'est un winner et tout, et qu'il leur dit regardez cette photo, là il y a 4 mecs avec des barbes. Sur les 4, il y en a un qui est infiltré. Le premier qui devine qui c'est un shot. Moi je ferais pareil. On a pris tous pareil. Je suis sûr que Macron même il ferait pareil. La dernière fois qu'il a croisé Pujadas, il lui a dit mec, vérifie tes textos. Je peux rien te dire, mais vérifie tes textos. Quand t'es président, t'as plein d'infos qu'au fond de toi, t'as envie de partager avec les gens. Quoi. C'est vrai, là Macron il va dire aux Français si vous manifestez pas pendant, allez, genre un mois, je vous montre la sextape de Valbuena. Je la montre et je me dis quel joueur du PSG a parié 6-1 sur Unibet. Franchement, c'est ça le pouvoir. Faire ce que tu veux quand tu veux et créer ta légende. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillermo. La bande originale, Nagui, sur France Inter.